précédemment dans La République de Platon. Socrate explique à Trasimaque que la politique, si c'est un art, une techné, une compétence, elle est nécessairement destinée à faire le bien des objets auxquels elle s'applique. C'est-à-dire, le politique est nécessairement en train de faire le bien des gouvernés. Sinon, c'est pas de la politique. La République de Platon, saison 1, épisode 2. Sommes-nous tous de bons citoyens ? Bonjour Dimitri Elmure. Bonjour Adèle. Merci d'être revenu ce matin. Oh, c'est un plaisir d'être là une nouvelle fois. Alors un rappel pour ceux qui n'auraient pas encore écouté ou réécouté l'épisode d'hier, La République est le livre de Platon qui est fondamental dans l'histoire de la philosophie, nous disiez-vous, d'un point de vue métaphysique, épistémologique, éthique et politique. C'est pourquoi, à quelques semaines des élections présidentielles en France et du baccalauréat, on s'est dit qu'on allait le lire en entier et donc y consacrer 2 semaines entières. Alors hier, pour le premier épisode, vous nous avez dit que la question principale de ce livre était celle de la justice. Plus précisément, cette question, la justice est-elle autre chose que les actions que l'on commet par peur de représailles ? Ce que je reformulerai avec mes mots, sans police, ne serions-nous pas tenter de griller un feu rouge de temps en temps, au fond c'est ça hein, la question. C'est exactement ça. Et cette question de savoir s'il existe une justice en elle-même va occuper tout le livre 2 qui va nous intéresser aujourd'hui. Et donc nous avons choisi d'intituler cette émission « Sommes-nous tous de bons citoyens ?» Je vous retourne la question Dimitri Elmure. Ah, alors ça c'est une question à laquelle je pense que vous pourrez répondre à la fin de la deuxième semaine, parce que c'est quand même une question complexe et au fond à laquelle la République apporte une réponse extrêmement développée en montrant, je vais un peu éviter la question si vous me pardonnerez, mais en montrant un peu toutes les exigences au fond qu'on attend d'un citoyen, c'est-à-dire d'accepter un certain ordre, d'accepter d'être gouverné par autre que soi ou de gouverner les autres en vue de leur bien, d'accepter effectivement de vivre justement, enfin, d'entrer dans une communauté. Il y a tout un ensemble d'éléments qui sont construits au fur et à mesure des livres de la République, d'être éduqué d'une certaine manière aussi, évidemment, livres 2 et 3 et 4 de la République. Donc tout ça participe de ce que c'est qu'un bon citoyen. Au livre 2, quand on ouvre le livre 2, là, on commence, si vous voulez, le premier moment en fait de cette construction. C'est ça. C'est-à-dire que, on s'était quitté hier, sur un suspense insoutenable, qui était que Socrate avait réfuté Trasimaque et lui avait dit, je t'ai montré que la justice, au fond. C'est la voie de la santé de notre âme et donc c'est la voie du bonheur. Et rebondissement au début du livre 2, orchestré par Glaucon. Oui, alors, pour ceux qui ont raté l'épisode hier justement, donc on a Socrate, Glaucon et Adimante. Alors j'ai appris quelque chose entre hier et aujourd'hui, figurez-vous. C'est que Glaucon et Adimante sont les frères de Platon. Oui, les demi-frères, oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça, alors je vais pas spéculer là-dessus. Hein, c'est pour Platon. La quasi-totalité des personnages de Platon sont des personnages historiques. Il y a des personnages anonymes, l'étranger dans le sophisme politique, et puis l'Athénien dans les lois. Bon voilà. Et puis il y a un personnage encore plus énigmatique, c'est Calliclès, dont on n'est pas certain qu'il soit historique. Alors c'est extrêmement intéressant puisque c'est un des plus beaux ennemis, si j'ose dire, au sens noble du terme, de Socrate. Est-ce que Platon l'a inventé ? On n'en sait rien. Mais sinon, tous les personnages sont historiques. Et donc, oui, il y a aussi de la famille de Platon. Ouais. Bon, et en tout cas, c'est Glaucon qui vraiment va tenir les rênes hein, dans ce livre 2. C'est lui qui va relancer la discussion. Parce que Socrate, quand même, au début du livre 2, Socrate dit « Je croyais être déchargé de la responsabilité de la discussion, mais apparemment, il ne s'agissait que d'un prologue. » Et c'est pas anodin que Socrate n'ait pas très envie, en fait, de reprendre la discussion, Dimitri. Ben alors, vous mettez le doigt sur une des choses pour moi les plus mystérieuses de la République, si je peux me permettre de généraliser la question. Socrate dit à ce moment-là, effectivement, la discussion d'avant était un prologue ou un prélude, un proémion en grec, c'est-à-dire ce qui précède le début des affaires sérieuses, on va dire, même musicalement parlant. Il nous dit une chose importante, il nous dit « moi je pensais en rester là ». Hein, et j'allais passer la parole à quelqu'un d'autre. Et puis évidemment, Glaucon et Adimante, et notamment Glaucon, ne sont pas satisfaits. Ça, c'est le premier moment, enfin c'est la première itération de quelque chose que Platon utilise énormément dans la République, à savoir le fait que Socrate a une certaine idée, veut aller quelque part, et qu'il est contrarié par ses interlocuteurs pour aller ailleurs. Je vais vous donner 3 exemples. et vous allez les revoir dans la semaine. Bon, le premier, vous le venez de donner. Le deuxième, on va en parler, c'est quand Socrate décrit une cité qui lui paraît parfaitement convenable et que Glaucon lui dit « Non, c'est une cité de cochon que tu nous décris, moi je veux autre chose. » On va en parler plus tard. Troisième exemple, il y en a d'autres, c'est la fin du livre 4, où Socrate dit « Bon, voilà, j'ai défini la justice, je l'ai montré comment elle fonctionnait dans la cité et comment elle fonctionne dans l'âme, en rapportant, et on en parlera aussi, la définition de la justice sociale ou politique sur la structure de l'âme. Mm-hmm. Et puis j'allais, dit Socrate, en venir à la justice, à la, aux différentes formes d'injustice selon les différentes formes de constitution. Ça, c'est le livre 8. Et là, on lui dit, non mais, tu vas pas en rester là, tu vas nous montrer si oui ou non cette cité dont tu nous as parlé est réalisable. Et ça, ça fait le livre 5, 6, 7. Donc, la République est faite à la fois de ce que Platon écrit et aussi des désirs contrecarrés de Socrate, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion ? J'en tire une conclusion, je dirais presque herméneutique. Savoir qu'on lit bien la République, à mon avis, quand on réfléchit à ce qu'elle dit, et aussi à ce qu'elle évite de dire. C'est pas du tout indéterminé ce que j'ai essayé de dire, c'est pas. Mm-hmm. Mais si vous voulez, il y a la République rêvée et la République réelle, c'est-à-dire il y a le livre qu'on lit, et puis il y a le livre qui aurait pu être différent, qui aurait pu prendre un autre chemin. Et le lecteur attentif, le Platon, est, à mon avis, hein, Platon fait ça pour ça, à mon sens, et est amené à comparer toujours ses voies et à se demander ce que ça aurait pu être. Voilà. Et donc c'est un livre, extraordinaire pour ça, parce qu'il crée même sa propre. Si vous voulez, son propre fantôme. Oui, et puis il y a aussi l'idée que la philosophie est toujours, même pour Socrate, peut-être un effort, une contrainte, qu'on n'y va pas, que ça peut peut-être venir naturellement, mais que c'est un travail et que c'est dans les situations où on est contraint de répondre à des questions qu'on peut formuler certaines réflexions, justement. Parce que le livre tout entier réfléchit à ce qu'est la philosophie. Bien sûr. Et pour Socrate, effectivement, c'est peu de le dire qu'il est, il est un petit peu constamment, contraint. Ouais. Mais d'ailleurs, on avait relevé ça dès le début. Vous vous souvenez quand on avait parlé du prologue, de l'ouverture. Enfin, de l'ouverture, voilà, de la République. Pourquoi Platon insiste autant, comme une sorte de badinage sur le fait que Socrate et Glaucon allaient rentrer à Athènes et puis les autres leur disent, et Adimante et Polémarque leur disent, non mais on va vous contraindre à revenir. Et dès la première page, le motif de la contrainte est imposé. C'est d'une part pour insister sur cette question fondamentale qui est le retour du philosophe roi dans la caverne, et donc la nécessité dans laquelle les philosophes sont de gouverner. Ça, vous en parlerez plus tard. Et puis, il y a aussi ça. Il y a aussi la contrainte qui est imposée à Socrate lui-même. C'est-à-dire de suivre une voie qui ne serait pas nécessairement la sienne. C'est ça. Et ça, on ouvre, si vous voulez, des perspectives énormes, parce qu'on se dit, est-ce que Platon, par exemple, veut nous faire comprendre quelque chose de la différence qu'il pourrait y avoir entre lui et Socrate. Ça, c'est une voie. Bon, moi, c'est pas celle que je préfère. Ou alors, au contraire, est-ce que Platon cherche à souligner à dramatiser la particularité de la voie qu'il choisit dans la République en la comparant comme ça à une autre voie possible? Moi, c'est plutôt la voie que je privilégierais. C'est très ouvert. En tout cas, c'est moi qui vous contrains ce matin, Dimitri Elmure. On verra ce qui sortira de cette contrainte. Enfin, vous êtes consentant, n'est-ce pas, hein? Donc, Trasimaque semble l'avoir emporté, hein, hier, fin du livre 1, puisqu'il a démontré qu'il était beaucoup plus intéressant d'être injuste que d'être juste, et que l'injustice rendait beaucoup plus heureux parce qu'on obtenait ce qu'on voulait, comme on le voulait, comme on l'entendait, sans être puni. Donc finalement, Trasimaque semble l'avoir emporté. En plus, Socrate n'a pas très envie de lui répondre. C'est toujours le plus fort qui l'emportera. Comment, au début du livre 2, la discussion peut-elle reprendre? Comment est-ce que Socrate va finalement essayer de faire en sorte de prouver qu'il y a quand même un intérêt, est-ce que c'est bien formulé les choses, vous nous direz, que d'être juste, avec en tête quand même l'idée qu'il faut sauver ce qu'est la justice, sinon il n'y a plus de justice, hein, si Trasimaque a raison. Et justement, en fait, il va déplacer la question de l'intérêt. Au fond, à la fin du livre 1, bon, Socrate pense avoir réfuté Trasimaque, et c'est vrai que Trasimaque n'est pas très convaincu, et en fait, Glaucon et Adimante ne sont pas convaincus. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi ils ne sont pas convaincus. Et c'est ça qui relance, au fond, la discussion. Le début, ça commence par une contribution philosophique fondamentale de Glaucon, qui propose une tripartition des biens. Et il dit, c'est une distinction très simple, il y a des biens qu'on choisit pour eux-mêmes, je sais pas, la joie, une chose joyeuse. Il y a des biens qu'on choisit pour eux-mêmes et pour leurs conséquences, la santé. Et il y a des biens qu'on choisit. On peut choisir des joies, c'est pas très bien pour la santé. Mais... Il y a des biens qu'on choisit pour leurs conséquences uniquement. Par exemple, quand on s'astreint à faire des choses pénibles, aller chez le dentiste. Bon, pardon pour ces exemples très triviaux, mais voilà, ça fait comprendre. Mmh. Et au fond, à quoi elle sert cette grille? Elle sert à reformuler vraiment le défi qu'avait lancé Trasimaque et à en faire un véritable défi philosophique. C'est-à-dire que Socrate répond très bien, mais moi je pense que la justice, ça rentre dans la deuxième catégorie, le bien qu'on choisit pour lui-même et pour ses conséquences. Bah oui, il vient de montrer dans le livre 1 qu'on le choisissait pour ses conséquences, pour le fait d'être heureux. Mmh. Hein, être juste, choisir la vie de justice, c'est choisir la vie la plus heureuse pour mon âme, etc. Et Glaucon lui dit, non mais personne pense ça. Personne pense ça. Tout le monde dit qu'on choisit la justice pour ses conséquences. C'est comme aller chez le médecin ou aller chez le dentiste, ça fait mal. Mais en fait, on le fait parce que bon, les conséquences éventuellement seront meilleures. Et c'est là où Glaucon va complètement renverser les choses. C'est-à-dire qu'à partir de cette grille, il va d'abord dire à Socrate, ben, d'abord il va falloir que tu nous démontres qu'on l'a choisi pour elle-même et pour ses conséquences. Et moi, je vais te montrer ce que pensent les gens. Et que pensent les gens? C'est que, au fond, le pire, c'est de subir l'injustice. Hein. Le mieux, c'est de la commettre et de ne subir aucune des conséquences du fait de commettre des actes injustes. Et puis au fond, bah, la majorité des gens trouvent une voie médiane qui est que on décide collectivement on va pas se faire du mal et donc on pose par contrat ou convention la réalité d'une justice qui consistera à ne pas nous nuire à nous-mêmes. Donc la loi est un compromis. Bah voilà, et la justice au fond, la naissance même, l'idée même du contrat, si vous voulez, que Glaucon exprime au début du livre 2 de la République, c'est ça qui explique que la justice soit évidemment pour tout le monde un bien que on ne veut que pour ses conséquences, c'est pour ne pas souffrir au fond qu'on est juste, mais au fond de soi, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vivre comme on l'entend et pouvoir commettre des actes injustes si on pense qu'ils vont nous rapporter plus. Mais alors pourquoi Socrate veut-il à tout prix sauver l'idée d'une justice bonne en elle-même, désirée pour elle-même? Parce que finalement, on pourrait tout à fait s'accorder sur le fait que la justice existe en collectivité parce que tout le monde vit mieux quand il y a des lois qui viennent punir les effractions qui nuisent à autrui. Oui, mais sauf que ça, c'est pas une défense de la justice. Ça, et pourquoi faudrait-il la défendre? Ah, parce au-delà que, de ça. Parce que la justice est une vertu. Et que si on est sérieux sur ce qu'on entend par le terme arete, vertu en grec, alors nécessairement c'est quelque chose que je dois choisir pour lui-même, parce que c'est un bien, parce que mon bonheur ne peut pas passer sans lui. Mais j'aurais envie de renverser votre question. Votre question est juste, mais il faudrait la poser à un autre niveau, c'est-à-dire se dire, mais c'est la décision de Platon. Pour la première fois dans l'histoire de la pensée, pardon pour l'aspect très dramatique, de nous dire, c'est ça, c'est à cette hauteur-là qu'il faut poser la question de la justice. Et justement, plein de gens pensent que c'est une question d'arrangement. Oui, bah on est juste parce que de toute façon, on n'est pas assez fort pour être injuste et on n'a pas envie de souffrir de l'injustice des autres. Donc très bien, c'est cette sorte de demi-mesure. Mais c'est pas à cette hauteur-là que Platon veut poser la question. Et c'est la philosophie, alors c'est ça. Mais oui, c'est-à-dire que lui, il veut simplement nous donner un ensemble d'arguments qui nous persuadent, nous convainquent que la justice est toujours à choisir. C'est pour ça que la tâche est aussi difficile, parce qu'il touche à quelque chose qui résiste en nous. Hein. Ça résiste en nous. Et c'est pour ça que le livre 2 est absolument fondamental. C'est vraiment le livre 2, si vous voulez, le livre 2 dans la division en 10 livres, hein, ou la fin du livre 1 dans la division en 6 livres, qu'on fait de notre discussion d'hier. C'est vraiment le livre 2 qui pose le problème de la justice et la question du choix de la vie juste au niveau qu'il requiert. Ouais. Et c'est Glaucon et Adimante qui parviennent à pousser Socrate à faire ça. Lui, il pense qu'il a déjà démontré ce qu'il fallait. Mais en fait, non. Et il a raison. Et Glaucon et Adimante ont raison. On a besoin, et votre question le prouve exactement, on a besoin d'une défense philosophique intrinsèque de ce que c'est que la justice, pour montrer que la justice est une valeur qui doit être choisie pour elle-même. Est-ce que ça veut dire que c'est la justice qui naît comme concept à ce moment-là? En tout cas, c'est la naissance. Alors, c'est disons que Platon d'abord liquide, on va dire, la vieille diké homérique. Alors, justice peut se dire de deux manières en grec. Diké, ou un terme plus moderne, c'est-à-dire plus proche de l'époque de Platon, qui est dikaiosune. Et c'est de la dikaiosune que parle la République, de la justice entendue comme vertu. Donc déjà, il y a quelque chose de l'ordre du remplacement que Platon opère, c'est-à-dire on va passer de la diké à la dikaiosune, à cette vertu intérieure. Okay. Il va en faire un concept philosophique, et je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il va travailler toutes ses exigences, toutes ses dimensions. Et on va le voir aussi dans le livre 2, il va travailler sa dimension individuelle et sa dimension politique. Puisque pour lui, les deux sont distinguables, mais indissociables. On va laisser la parole à Glaucon, qui va énoncer une sorte d'expérience de pensée, ce qu'on pourrait appeler un mythe, une histoire en tout cas, l'histoire d'un homme qui va trouver un anneau, et quand cet anneau sera disposé sur son annulaire, ou sur l'un de ses doigts, et qu'il le tournera dans une certaine direction, eh bien il pourra devenir invisible. Qu'est-ce que ça change à son existence que de pouvoir devenir invisible? Eh bien c'est toute la conception de la justice qui va en découler, écoutez. On dit que l'ancêtre de Gigès le Lydien était berger, au gage de celui qui alors dirigeait la Lydie, et qu'après qu'une forte pluie se fut abattue, causant un glissement de terrain, un endroit de la terre se déchira et que s'ouvrit une béance dans le lieu où il faisait paître. La voyant, il s'émerveilla et y descendit, et il y aurait vu, parmi d'autres merveilles que rapporte l'histoire, un cheval de bronze évidé, percé d'ouvertures. S'y penchant, il aurait vu que s'y trouvait un cadavre, apparemment plus grand que n'aurait été un homme, et qui ne portait rien, si ce n'est à la main, une bague en or. Il s'en serait emparé et serait ressorti. Or, comme avait lieu le rassemblement habituel des bergers, destiné à rapporter chaque mois au roi l'état des troupeaux, lui aussi y serait venu, portant la bague en question. S'étant assis avec les autres, il aurait tourné par hasard le chaton de la bague vers lui-même, vers l'intérieur de sa main, et dès lors serait devenu invisible pour ceux qui siégeaient à côté de lui et qui dialoguaient à son sujet comme s'il avait été parti. Il s'en serait émerveillé et, manipulant la bague en sens inverse, aurait tourné le chaton vers l'extérieur et, une fois le chaton tourné, il serait redevenu visible. Ayant compris cela, il aurait mis la bague à l'épreuve pour voir si elle avait réellement ce pouvoir. Et la même chose lui serait arrivée. En tournant le chaton vers l'intérieur, il devenait invisible, vers l'extérieur, visible. Dès qu'il s'en serait aperçu, il aurait fait en sorte d'être parmi les messagers qui allaient auprès du roi, et une fois là-bas, ayant commis l'adultère avec la femme du roi, aurait comploté avec elle pour tuer le roi et ainsi s'emparer du pouvoir. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et on parle de la République de Platon cette semaine ainsi que la semaine suivante. Nous en sommes au deuxième épisode, livre 2 donc, autour de la question de la justice avec cette fable, ce mythe. Alors je ne sais pas comment vous voulez en parler, Dimitri Elmur, mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'occasion pour nous de préciser ou de dire tout simplement que dans la République de Platon, il y a aussi de nombreuses histoires, de nombreux mythes qui ont figure d'argument au fond. C'est assez intéressant puisqu'on disait que le moment où Socrate allait proposer ce que serait peut-être un concept de la justice pour la première fois dans l'histoire de la philosophie, ben ça montre que la philosophie naissante n'exclut pas le mythe, le récit, quand bien même dans la République, la place des poètes a quelque chose d'assez dangereux pour Socrate lui-même. Mais voilà, il faut prendre cette fable au sérieux et en mesurer les conséquences, parce que c'est exactement ce que va faire Socrate. Hein. Oui, mais d'ailleurs, la manière dont vous formulez la question amène quand même à tout de suite nuancer la critique que Platon fait des poètes. Enfin, il fait une critique très très radicale, vous en parlerez demain, et une censure très très très forte des poètes. Mais évidemment, comme beaucoup d'ailleurs de défenseurs d'Homère dans l'Antiquité lui ont reproché, hein, ça il a perdu beaucoup de crédit chez certains auteurs de l'Antiquité. Platon, pour avoir osé critiquer Homère aussi violemment, ils ont tous relevé les homérolâtres que mais enfin bon, il n'arrête pas de faire de faire des mythes, d'écrire comme les poètes. Lui-même est un écrivain de talent, de génie, etc. Comment il peut se permettre de voilà. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas la philosophie qui serait du côté de la raison et de oui. l'autre la poésie qui serait du côté, je sais pas, de l'imagination. Bien sûr. Et puis le comme toujours, ce qui est intéressant chez Platon et dans son usage des mythes, c'est que le mythe pousse à l'interprétation. Alors là, pour la fable ou mythe, peu importe, de Gigès, c'est particulièrement significatif. Ça correspond exactement, en fait, à la discussion qu'on avait avant. On se demandait, au fond, on se disait, voilà, Glaucon relance vraiment la question de la défense de la justice au niveau qu'elle requiert. En disant à Socrate, il faut que tu nous montres que la justice est un bien qu'on choisit pour lui-même et pour ses conséquences, puisque c'est ça que tu soutiens. Alors qu'en fait, la plupart des gens pensent qu'on le choisit pour ses conséquences. Ok. Et il illustre ça par cette théorie du contrat dont on a parlé, et il illustre aussi la chose par cette fable. Et cette fable, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle nous dit que, je donne tout de suite la morale de l'histoire, oui, oui. si j'ose dire, si on est invisible, alors, et si donc on a tous les pouvoirs, puisque ça revient à ça, le fait d'être invisible, on ne choisira pas la justice. On choisira l'injustice exactement comme le fait Gigès dans l'histoire. Ce qui est encore plus intéressant, et là ça revient à votre question sur les mythes, c'est que Platon n'invente pas ce mythe. Il n'invente pas ce mythe, ce mythe il est chez Hérodote. Mais il n'est pas du tout formulé comme ça. Chez Hérodote, donc c'est le livre 1 d'Hérodote, section 8. Et on a exactement cette histoire-là. C'est une histoire beaucoup plus, je dirais, banale. Candole, si je la raconte en deux phrases, Candole dit à une femme magnifique. Et il veut, et il le dit à tout le monde que sa femme est la plus belle, etc. etc. mais il trouve quand même que son garde, Gigès, n'a pas l'air d'être très convaincu. Et il décide donc de lui montrer l'eidos, c'est ce que dit, c'est assez intéressant, l'apparence de sa femme. Et lui dit très bien, voilà ce que tu vas faire, tu vas venir te cacher au moment où elle enlève ses habits avant de se coucher. Tu vas te cacher derrière le rideau et tu vas regarder et tu verras effectivement que j'ai la femme la plus belle du monde. Gigès ne veut pas et Candole le force, hein, c'est quand même son garde. Voilà. Gigès vient, il regarde et puis il quitte la scène mais la femme l'a vu. Et la femme convoque Gigès le lendemain et lui dit voilà l'alternative, soit tu meurs, soit tu m'aides à tuer Candole. Évidemment, il résiste, puis finalement, il finit par tuer le roi et prendre sa place. Vous voyez la différence par rapport à l'histoire de Platon ? La différence, c'est qu'il n'y a pas d'anneau dans l'histoire d'Hérodote. Il n'y a pas d'invisibilité dans l'histoire d'Hérodote. Donc Platon construit une histoire à partir de ce fil hérodotéen et il la construit complètement différemment. Oui, il a un sens de la mise en scène. Ah bah, il y a un sens de la mise en scène. D'ailleurs, par parenthèse, l'histoire qui a... qui a une postérité, c'est bien celle de Platon. Hein. Je veux dire, le Seigneur des Anneaux, ça vient de là. Exactement. Hein, voilà. Donc, c'est quand même l'homme invisible, tout ça. Ça vient quand même de là. Je vais faire de la parenthèse, mais toujours est-il qu'on voit, quand on compare les deux récits, ce qui est fascinant, c'est qu'on voit ce que Platon y a mis. Et donc, il a, avec cette histoire d'anneau, insisté sur l'invisibilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la justice est-elle, oui ou non, fonction du regard d'autrui. Est-ce que si je me débarrasse du regard d'autrui, je peux, au fond, je vais choisir la justice, est-ce que je ne vais pas toujours choisir l'injustice ? Et ce qui est encore, moi, ce qui me fascine toujours en réécoutant le texte, là, je me disais que ce qui est encore plus fascinant, c'est que la bague est trouvée sur un cadavre dans l'histoire de Platon. Il n'y a pas de cadavre dans l'histoire d'Hérodote. Hein. Donc, on trouve une bague sur un cadavre. Pourquoi un cadavre ? Et au fond, je me dis que cette présence du cadavre, elle dit déjà quelque chose de ce que va devenir Gigès. Gigès, il trouve la bague, il devient invisible, il se rend compte que personne ne le voit, et à la fin, c'est en une ligne, il tue le roi, il épouse sa femme et il devient roi. Voilà, donc Hérodote est liquidé en trois mots. Mais il la trouve sur un cadavre. Et je pense qu'au fond, le cadavre, qu'est-ce que c'est ? C'est non seulement évidemment le mort, mais aussi celui qui est invisible à lui-même. Et peut-être que la question, elle est là. Est-ce qu'au fond, ce que veut nous montrer vraiment Platon, c'est que si on vit la justice que selon le regard d'autrui, on est aussi invisible à nous-mêmes. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que ces questions-là sont posées 500 ans avant le début du christianisme, donc avant le début de peut-être de l'examen de conscience selon le critère du bien et du mal, un certain sentiment de culpabilité. Est-ce qu'au fond là, c'est pas ça qui est en jeu, savoir que pourquoi faudrait-il être juste pour être en paix avec soi-même? Alors ça, on l'entend hein, dans l'Antiquité, la notion d'être en paix avec soi-même, mais la notion de culpabilité, la notion de bonne conscience, est-ce que c'est des choses qui existent à l'époque? Je pense pas. C'est je ça, pense, hein non, je pense pas. Je pense que ce qui existe vraiment, c'est l'idée que c'est là où la République se fixe un agenda extraordinaire. C'est que la question, c'est que c'est pour notre bien. C'est ça. On choisit. C'est dans mon... Vous parlez d'intérêt. Moi, je trouve que c'est un mot qui ne me dérange pas du tout. C'est dans mon intérêt, va démontrer Socrate, que je choisirai toujours la justice, même si j'ai la réputation d'être injuste. Alors, contre-exemple pris du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, Dimitri Elmur, quel serait, on a essayé de chercher, hein, quel serait l'équivalent de l'anneau de Gigès aujourd'hui? Bah, ce serait par exemple l'anonymat sur les réseaux sociaux, ouais. Le nombre de comportements qui ont lieu sur Twitter, par exemple, sous couvert d'anonymat, et qui, parce que l'anonymat permet une impunité totale. Donc, on peut dire ce qu'on veut, y compris même peut-être des choses qu'on ne pense pas, ou peu importe, ou blesser des gens, parce que justement, il n'y a pas d'identité, donc pas de représailles possibles. C'est vrai. Alors moi, je connais rien aux réseaux sociaux, mais non, mais voyez le raisonnement. Mais je sais. Bah, au moins c'est aussi, je sais pas, les corbeaux. Alors, voyez une lettre anonyme, passer un coup de fil anonyme pour faire peur à quelqu'un, c'est anonyme. Donc l'anonymat, c'est une forme d'invisibilité. C'est vrai. Qui permet d'agir injustement. Mais ce qui est fascinant, c'est de se demander quelle est la réponse qu'on peut apporter à ça. Et en général, quand on réfléchit à la réponse qu'on peut apporter à ça, c'est l'éducation. Ça veut donc dire qu'au fond, on attend des individus qu'ils se régulent eux-mêmes, en comprenant que c'est pour leur bien. Qu'il faut éviter ce genre de... Ouais, enfin là, Adimante prend le relais et dit, le problème, c'est que dans l'éducation, les pères enseignent aux enfants les bienfaits de la justice par intérêt bien compris, exactement. Pas pour elle-même. Et ben, voilà, on a donc compris pourquoi il faut réformer entièrement la culture. Et c'est ce que va proposer la République. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas cette réforme incroyable de la culture qui est proposée à la fin du livre 2 et au livre 3 et au livre 4, dont vous parlerez demain, s'il n'y avait pas exactement cette reprise de l'argument paradigmante qui consiste à dire non seulement Glaucon a raison, mais on choisirait toujours l'injustice si on était impuni ou invisible, mais en plus regardez ceux qui disent qu'il faut choisir la justice, ils disent qu'il faut choisir la justice, les poètes, les tragédiens, pour la bonne réputation, pas pour elle-même, hein. Voilà pourquoi il faut réformer la culture. Alors on a trouvé un contre-exemple. Et pour le trouver, pour l'entendre, il faut aller du côté de Gotham City, écoutez. En tant que nouveau procureur, vous auriez intérêt à connaître les limites de votre juridiction. Je voulais parler d'un genre de ville qui ose idolâtrer un vengeur masqué. La ville de Gotham est fière qu'un citoyen ordinaire cherche à défendre ce qui est juste. Gotham a besoin de héros comme vous, des représentants élus, pas d'un homme qui se croit au-dessus des lois. Exactement. Qui a nommé le Batman? Mais c'est nous. Nous tous qui n'avons pas bougé et laissé le rebut contrôler notre ville. Mais vous êtes une démocratie. Quand les ennemis étaient à leur porte, les Romains suspendaient la démocratie et nommaient un homme pour protéger la cité. Et ce n'était pas considéré comme un honneur, mais comme un service d'intérêt général. Harvey, la dernière personne qu'ils ont nommée pour protéger la République s'appelait César, et il n'a jamais renoncé à son pouvoir. Bon, très bien. Alors soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Écoutez, qui que soit le Batman, il ne veut ni ne peut faire ça pour le restant de ses jours. Batman cherche quelqu'un pour reprendre sa cape. Quelqu'un dans votre genre, Monsieur Dent? Possible. Si j'en suis capable. Et si Harvey Dent était le chevalier à la cape? C'est comme si la cape de Batman était l'équivalent de l'anneau de Gigès, Dimitri Elmur, sauf que dans le cas de Batman, il devient, non pas invisible, mais il change d'identité. Il endosse l'anonymat pour commettre non pas le mal, mais le bien. Que penser de cette situation-là? Qu'est-ce que Socrate aurait à dire à ça? C'est comme si cet homme-là choisissait de disparaître pour commettre le bien et non pas pour commettre l'injuste, justement. Oui, je sais pas ce que Socrate penserait de Batman. Je sais pas si je suis capable de répondre à la question. Mais ce que je peux dire, en tout cas, c'est que Batman ressemble pas beaucoup à un gardien au sens de la République, hein. Je veux dire à ce nouveau type de héros que par lequel Platon remplace le héros homérique. C'est-à-dire que rendre la justice anonymement ou masquée me semble un peu au fond. Oui, un peu vraiment en un certain sens anti-platonicien. C'est-à-dire que au fond Platon est persuadé que la justice brille d'un certain éclat. Mm-hmm. Et que c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi. C'est-à-dire que il n'y aurait aucune raison d'être juste en s'en cachant. Même si... L'amour de la justice. Est-ce que finalement, ce n'est pas Batman qui est le plus platonicien? Parce qu'il accomplit la justice au nom de la justice. Et on ne peut pas le soupçonner de le faire par intérêt bien compris, puisque justement, on ne sait pas qui est Batman. C'est vrai. Alors, le problème, c'est que dans l'histoire de Batman, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en plus, il a lui-même, ses motivations sont peu claires. Non, mais ça, vous voyez ce que je veux dire. Ah bah oui, mais justement, je discute l'exemple lui-même. Il y a un individu derrière, c'est ça. Oui, mais le philosophe n'a pas les mains ne sont pas toujours propres, pour reprendre une formule bien connue. Je veux dire, le philosophe est aussi un individu qui peut être traversé par une histoire et des contradictions, mais ce faisant, agissant au nom de la justice, Batman n'est-il pas fidèle à la conception de la justice que Platon essaye d'énoncer dans La République? Je pense pas, parce que alors voilà, je vais vous dire aussi différemment les choses. Je vais répondre à un autre niveau. Je pense que ce qui est intéressant dans la manière que Platon a de poser la question, c'est que justement il distingue analytiquement la question de la justice individuelle et la question de la justice politique ou sociale, mais il la distingue analytiquement en pensant que elles sont indissociables et que donc au fond, si on réfléchit à ce que c'est que la justice au niveau individuel, sans réfléchir aussi à ce que ça peut vouloir dire qu'une cité ou une communauté politique dans laquelle on pourrait être, chacun de nous pourrait être juste, on ne prend pas la question à la bonne hauteur. Mm-hmm. Il faut la prendre à ces deux niveaux-là. Et le vengeur masqué, c'est que le premier niveau, pas le second niveau. C'est-à-dire que c'est quelque chose... Il faudrait que Gotham City soit une cité juste. Bah, ça, c'est toujours l'idéal. C'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, c'est qu'on soit notre propre gardien. C'est ça. C'est qu'on n'ait pas besoin, d'une extériorité qui vienne sanctionner la justice ou l'injustice de nos actes, mais que elle émane de nous-mêmes, de nos choix, parce qu'on sait que c'est notre bien. Alors, très bonne transition en tout cas, parce que il faut qu'on avance quand même dans la lecture du livre 2. On l'avait déjà esquissé rapidement hier. Comment arrive cette analogie entre la justice qu'on pourrait appeler la justice intérieure, ce sentiment de justice, il n'en parle pas ainsi, mais on est forcément anachronique quand on en parle, et la cité juste. Pourquoi est-il important pour que la cité puisse être juste que l'individu le soit ? Alors, je vous réponds à deux niveaux. Le niveau, disons, argumentatif de la République et puis un niveau plus philosophique. Au niveau argumentatif, c'est-à-dire au niveau du déroulé de l'argument de la République, la question se pose parce que Glaucon et Adimante complexifient le défi que Trasimaque avait déjà lancé, auquel Socrate pensait avoir répondu, mais à tort, ils lui disent très bien, montre-nous que la justice est donc un bien qu'on doit choisir pour lui-même et pour ses conséquences, montre-nous qu'au fond, on doit toujours la choisir, quelles que soient les circonstances. Et donc, définis-nous ce qu'elle est pour qu'on comprenne qu'il faut toujours la choisir. Et là, Socrate dit très bien, mais les choses peut-être seront plus claires si on prend un peu de hauteur et si on voit les choses avec en plus gros. Voilà. Et c'est la fameuse analogie avec les petits et les gros caractères, voilà, qui est assez mystérieuse quand on regarde ces détails, mais laissons les détails philologiques de côté. En tout cas, l'idée est que pour y voir plus clair, on va regarder sur un exemple plus gros. Voilà. Et qu'au fond, on y verra plus clair sur ce que c'est que la justice si on regarde la cité que si on regarde l'âme. Évidemment, la prémisse que l'argument présuppose, c'est que c'est la même chose. Il y a une identité. L'analogie repose sur une identité, c'est-à-dire que la justice dans l'âme et la justice dans la cité sont une seule et même chose, c'est la même justice. Ce qui, d'un point de vue platonicien, n'est pas très surprenant, entre parenthèses. Si la justice est bien ce que Platon appelle une idée, si elle a une réalité intelligible, c'est-à-dire si elle, quand on la définit dialectiquement, on peut arriver à toucher quelque chose qui nous résiste hein, et qui ne dépend pas du point de vue de chacun, qui soit réellement en soi, pourquoi serait-elle différente dans la cité et dans l'âme hein? On a le droit de ne pas être d'accord avec cette position-là, mais disons que c'est tout à fait cohérent par rapport à la position que Platon lui défend. Donc voilà, donc l'analogie ou ce qu'on appelle l'isomorphisme entre la cité et l'âme, qui est un peu plus précis, naît de ça. Et donc, question subséquente, puisque on va voir ça dans un plus grand, sur un plus grand modèle, on va réfléchir à ce que c'est que la justice sur un plus grand modèle, on va réfléchir à ce que c'est que la justice donc dans la cité, mes questions. Comment naît une cité? C'est-à-dire, commençons par le commencement. Et donc, pour comprendre comment la justice, ce que c'est que la justice pour une cité, réfléchissons à la naissance d'une cité, et c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, la poléogonie, c'est-à-dire la naissance... Votre jargon, c'est celui des platoniciens, c'est ça? Oui. Ceux qui passent leur journée avec Platon. Voilà, exactement. Et c'est, là, et c'est donc la poléogonie, ou l'argument poléogonique, c'est l'argument qui... ou la description des conditions de naissance de la polis, c'est-à-dire de la cité. Donc il y a deux arguments, si vous voulez, l'isomorphie entre l'âme et la cité, ou l'analogie entre la cité et l'âme, sous-tendue par la thèse que je viens d'écrire, et puis ce passage opéré par Socrate consistant à dire, si on veut voir ce que c'est qu'une cité, regardons comment elle naît. Et de là, on commence à réfléchir à cette naissance. Alors comment ça se passe cette naissance? Elle part d'une prémisse, qui est que nous ne sommes pas autosuffisants. Il n'y a pas entre les êtres humains de ce qu'on appelle d'autarchéia, c'est-à-dire d'autarcie. On peut pas subvenir à tous nos besoins individuellement. On a donc besoin des autres pour subvenir à nos besoins. Alors de là, réfléchissons à nos besoins. Quels sont nos besoins? Bon, manger et boire, se vêtir, se protéger du froid en construisant des maisons, etc. À partir de là, Socrate commence à construire. Et je me corrige, à déduire, parce que c'est un peu plus intéressant. J'explique pourquoi je dis ça. C'est une forme de déduction transcendantale, au sens technique du terme. C'est-à-dire que on lit souvent ça comme une sorte d'argument généalogique, comme si Platon était en train de nous jeter les bases de l'économie. Alors il y a un peu de ça, mais c'est surtout un raisonnement a priori absolument incroyable. C'est-à-dire qu'à partir des besoins et de la question de l'autarcie, on déduit tout un ensemble de fonctions utile dans la cité, et puis l'une implique l'autre, donc on a les besoins fondamentaux, qui impliquent évidemment un cordonnier, un tisserand, un maçon, mais eux-mêmes ont besoin d'un certain nombre d'autres arts, par exemple ceux qui vont faire les outils qu'ils vont utiliser dans leurs propres arts, ça implique donc un ensemble de fonctions, puis à un moment ou à un autre il va falloir un marché, donc une monnaie, donc des commerçants, et puis on en arrive à une petite cité. Voilà, que Socrate trouve tout à fait saine et intéressante, dans laquelle un certain nombre de besoins primordiaux vont être satisfaits, que lui, appelle de ses voeux au juge tout à fait satisfaisant. Eh bien, écoutons la description de cette cité jugée saine par Socrate. Examinons de quelle façon vivront les hommes qu'on aura équipés. Est-ce autrement qu'en faisant du pain, du vin, des manteaux et des chaussures? Ils se construiront des maisons. L'été, ils travailleront la plupart du temps nus et sans chaussures, et l'hiver, habillés et chaussés de façon suffisante. Ils se nourriront en préparant de la farine à partir de l'orge, et de la farine fine à partir du blé, cuisant l'une, pétrissant l'autre, disposant de braves galettes et du pain sur du roseau ou sur des feuilles propres, s'allongeant sur des couches jonchées de smilax et de myrte. Ils feront de bons repas, eux-mêmes et leurs enfants, buvant ensuite du vin, la tête couronnée et chantant des hymnes aux dieux. Ils s'uniront agréablement les uns avec les autres, ne faisant pas d'enfants au-delà de ce que permettent leurs ressources pour se préserver de la pénurie et de la guerre. J'avais oublié qu'ils auraient aussi des plats cuisinés. Il est évident qu'ils auront du sel, des olives et du fromage, et qu'ils se feront cuire des oignons et des verdures, le genre de potée qu'on fait à la campagne. Nous trouverons même le moyen de leur servir des friandises faites avec des figues, des pois chiches et des fèves, et ils se feront griller au feu des fruits du myrte et du chêne, tout en buvant modérément. Passant ainsi leur vie en paix et en bonne santé, et décédant sans doute à un grand âge, ils transmettront à leurs descendants une vie semblable à la leur. Ô Socrate, si c'était une cité de porcs que tu constituais, dit Glaucon, les engraisserais-tu d'autre chose? France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Le Le moins qu'on puisse dire, Dimitri Elmure, c'est que Platon se fait plaisir avec ce texte. On sent quand même le plaisir. À nous aussi, il fait plaisir. Ah bah justement, bah oui, il nous met l'eau à la bouche parce qu'on sent le plaisir à décrire les figues, les pois chiches, les friandises, la boisson, tout ce qu'il faut. Il y a quelque chose qui met en appétit, surtout quand il est 10h39 et que le petit déjeuner n'a pas forcément été conséquent. Mais cette mise en appétit est immédiatement coupée par la remarque de Glaucon qui dit « Mais en fait, ce que tu décris là, Socrate, c'est une cité de porcs. Ce sont des cochons qui passent leur vie à manger et à boire. » Où est le côté sain de cette cité? Pourquoi est-ce une sorte de cité idéale que tu décris? Et c'est là où il faut sans doute introduire un mot-clé qu'on n'a pas encore introduit, Dimitri Elmure, qui est celui de la modération. C'est vraiment la régulation des besoins. C'est le mot-clé de ce passage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce passage, qui est absolument magnifique, hein, où Platon joue beaucoup avec des codes poétiques, c'est très clair quand on le lit en grec, il y a une vraie il utilise des genres poétiques pour décrire cette première cité. Ce qui est intéressant, c'est que Glaucon était déjà intervenu avant, juste avant, Socrate avait déjà commencé sa première description et il lui avait dit c'est avec des glands que tu fais festoyer ces gens-là. Et Socrate lui répond, c'est le texte qu'on a entendu, « Ah mais oui, tu as raison, mais non, ils vont festoyer, ils vont manger des figues, des oignons. » Et donc, l'eau à la bouche, oui peut-être, mais pas pour Glaucon, clairement. Non, voilà. Et Glaucon lui dit, mais c'est une cité de cochons. Voilà. C'est une cité de cochons. Alors, petite nuance importante, il faut faire attention au fait que le cochon, pour nous, renvoie un animal sale. C'est pas du tout le cas pour les Grecs. Le cochon, c'est l'animal de l'ignorance pour les Grecs. D'ailleurs, les cochons sont très propres. Hein. C'est une erreur zoologique de penser qu'ils sont sales. Mais peu importe. Mais le cochon, c'est notre âne, si vous voulez. C'est assez intéressant. C'est-à-dire que c'est pour Glaucon, cette cité-là, c'est la cité, c'est une cité sans culture. C'est une cité sans tout ce qui fait le sel, je reprends la métaphore, de la vie. C'est-à-dire le théâtre, les épices, les parfums, les arts. Tout ce qui n'est pas strictement nécessaire à la survie. Exactement. Voilà. Et on voit bien que pour Socrate, ça ne pose pas de problème, cette cité-là. D'ailleurs, après, il va l'appeler la cité saine. Je vais y revenir dans un instant quand je vous réponds sur la modération. Et donc voilà, pour Socrate, très clairement, cette cité est une cité qui répond aux besoins fondamentaux qui sont les nôtres et dans laquelle il n'y a rien que du bonheur. Et pourquoi il y a du bonheur? Parce que c'est une cité de la modération. La modération revient très souvent, comme vous l'avez remarqué. Elle revient dans la modération des désirs qu'on peut avoir. Elle revient dans la modération qu'on peut avoir même dans la procréation. Hein. Ils auront une progéniture modérée. Donc c'est une cité qui n'enfle pas. C'est une cité qui reste dans des limites. C'est une cité qui sera de taille modérée, d'où les désirs seront modérés, où les choix et les possibilités des individus seront modérés, etc. Et ça, pour Socrate, c'est une cité saine. Pour Glaucon, c'est pas le cas. Ce texte qu'on a entendu et cette réaction de Glaucon, elle fait partie de ce que je vous décrivais tout à l'heure comme ces sortes de tournants dans la République. Vous voyez, c'est Socrate va dans une direction et là il y a un interlocuteur qui lui dit non, mais non, ça c'est inacceptable. Nous on veut autre chose. Bah là on a le deuxième. On avait le premier au début du livre 2. Là on a le deuxième qui est que Glaucon ne veut pas qu'on lui parle de cette cité-là. Alors pourquoi Platon met-il cela en scène? Pourquoi Platon dramatise ce changement? Il y a plein de réponses qui sont apportées à ça, plein de réponses contradictoires, plein de réponses mystérieuses. Imaginons, par exemple, on pourrait très bien dire que la cité de Socrate, la première cité de Socrate, c'est la véritable cité utopique de la République. Certains le soutiennent. On pourrait dire autrement, ou alternativement, que Platon met en scène ce tournant dramatique pour nous faire comprendre quelque chose. Et ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que la cité dont on va parler est une cité autre que saine, c'est-à-dire malade. Et c'est exactement ce que Socrate dit en réponse à Glaucon dans les lignes qui suivent le passage qu'on vient d'entendre. Il lui dit très bien, Glaucon, j'ai compris. En fait, ce que tu ne veux pas qu'on parle d'une cité saine, tu veux qu'on parle d'une cité enfiévrée, d'une cité malade, c'est-à-dire une cité de luxe, qui a plus que le nécessaire. Et si le luxe commence dès la culture, c'est quand même c'est une conception assez dure du luxe. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que c'était celle de Socrate. Ouais. Alors, c'est tellement, comment dire, il y a tellement de possibilités d'interprétation, si vous voulez, sur cette première cité de Socrate, que on pourrait passer une émission entière là-dessus. Mais en tout cas, l'intérêt de notre point de vue à nous, lecteurs de la République, c'est de comprendre que la cité dont on va partir, maintenant, est une cité que Socrate considère comme malade et dont il va, dans les restes des livres de la République, nous décrire le traitement. Oui, ce qui fait un peu peur, hein, dit comme ça. Ah, ben c'était effectivement... C'est un peu eugéniste. Mais ça, on y reviendra après-demain notamment. Est-ce qu'il faut se dire que la cité que Platon a en tête et qu'il critique est celle, la cité athénienne de son époque ? Alors, j'allais y venir, c'est-à-dire qu'effectivement, l'intérêt en fait, dramatique de ce tournant, de cette mise en scène, c'est évidemment pour Platon de proposer une alternative à Athènes et en fait de nous parler des cités telles qu'elles sont. Et c'est exactement ce que Socrate lui dit. Il dit à Glaucon ensuite, tu as raison, en fait c'est plutôt une bonne idée. Comme ça on verra beaucoup mieux l'injustice. Et puis, corrélativement, la justice. Ce qui pose tout un tas de problèmes d'ailleurs. Qu'aurait été l'injustice dans la cité de Socrate ? Bon, on peut s'interroger. Mais toujours est-il que, donc, bien sûr, ça fait... Ce tournant dramatique met Athènes sur le devant de la scène, puisque la cité qu'on va construire et qu'on va purger, hein, au sens dont on va purger les humeurs, si vous voulez, dont on va purger la fièvre, ressemble à une cité réelle. Athènes, comme Athènes. Voilà. Alors, comment elle va naître, cette cité ? Ben, puisqu'on va enfler les besoins, on va enfler les... on va multiplier les fonctions et les arts dont l'objectif, le but est de répondre à ses besoins. Par exemple, on va avoir des arts, on va avoir des onguents, on va avoir des parfums, on va avoir des épices, on va avoir des, voilà. Ça implique des marchands, ça implique des bateaux, ça implique de la géopolitique. Mais si on doit avoir de plus en plus de besoins, il va falloir qu'on empiète sur le territoire des cités avoisinantes. Mais ça implique de la guerre. Mais ça implique de la guerre, ça implique donc des soldats. Mais si ça implique des soldats, ça implique des armes, etc., etc. Vous voyez, vous pouvez... la cité, comme ça, dans ces pages de la République, sont extraordinaires. Ouais. Hein, grossit, enfle. Donc c'est aussi une cité enflée au sens, je dirais, presque concret du terme. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que Socrate la voit comme malade parce qu'elle enfle. Hein. Au fond, mais Socrate est assez stoïcien, là, dans cette... Il a une... Limiter l'existence à la satisfaction de ses besoins premiers. Oui, il y a quelque part. En tout cas, il y a une réflexion puissante de Socrate sur la question de l'autarcie, ouais. Effectivement. Et donc du fait que une forme de communauté possible, disons les choses comme ça, pourrait être celle qui répond à nos besoins. Alors, là, je vais ouvrir une possibilité d'interprétation. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la philosophie est possible dans la cité de Socrate ? Elle est inutile. Elle ne correspond à aucun besoin vital, en tout cas. Voilà. Peut-être. Mais ça, on l'a compris dès le début de l'émission, ouais. Que Socrate, de toute façon, ne philosophait que sous la contrainte, ouais. Et que c'est pas quelque chose. Mais vous voyez que du point de vue de Platon, si on se demande, si on se dit, est-ce que Platon pensait qu'il fallait revenir à la cité que Glaucon appelle la cité des cochons, on voit tout de suite que la réponse est quand même de demander de la précaution. Est-ce que la philosophie est possible ? Est-ce que ce que Platon considère comme la chose la plus importante au monde, à savoir de faire de la philosophie, de penser, réfléchir, est-ce qu'il y aura une utilité à ça ? Peut-être, peut-être pas. Hein. Les interprètes, on a des avis divergents là-dessus. En tout cas, force est de constater que c'est dans la cité idéale de la République qui est censée être un remède aux maux des cités telles qu'elles sont, c'est-à-dire la cité telle que Glaucon l'appelle, c'est là où la philosophie sera une partie du remède. Donc, c'est-à-dire que dans les livres suivants, on va entendre Platon nous décrire, enfin Socrate nous décrire ce que devrait être une cité idéale. Oui, c'est-à-dire que le annoncez-nous un peu la suite. Alors, justement, une fois qu'on a accepté que la cité va gonfler, très bien, et que donc il y aura plein de choses inutiles, il va falloir, comme je le disais, des armées, tout un ensemble de fonctions, des marchands, tout un ensemble de fonctions qu'on pourrait juger inutiles, hein, enfin que Socrate pourrait juger inutiles. À partir de ce moment-là, effectivement, la question va être de tenir la cité dans certaines limites. Parce que forcément, une communauté politique, c'est circonscrit. Sinon, la chose se désagrège, si vous voulez. L'introduction la limite, et donc encore d'une forme de modération, va se faire par l'introduction par Socrate de cette catégorie ou cette fonction qu'on appelle les gardiens. Voilà. Les gardiens de la République. Voilà, des gardiens de la République, si vous voulez, en tout cas des gardiens de la cité, qui vont être amenés à limiter les désirs de cette cité. Alors, je précise que vous allez voir ça se développer au fur et à mesure des émissions, c'est-à-dire que la cité idéale de Platon est ce qu'on appelle trifonctionnelle. Mmh. C'est-à-dire que Platon hérite d'un motif dont on a montré qu'il était indo-européen, donc il est dans plein de cultures indo-européennes. Le motif de la trifonctionnalité, c'est de comprendre la structuration sociale à travers trois fonctions. La première est gouverner, la deuxième est la fonction militaire, et la troisième est la fonction productive. Donc ça, c'est la trifonctionnalité. Et c'est un schéma, effectivement, que Platon lui-même, mais comme plein d'autres auteurs d'époques différentes d'ailleurs, faire fonctionner pour structurer sa cité idéale. Cité idéale qui sera effectivement le remède ou la cité bien structurée si on part des prémices de Glaucon. C'est-à-dire qu'on veut une cité dans laquelle on puisse vivre une vie, je dirais pas forcément luxueuse, mais je dirais presque une vie moderne. C'est un peu... Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, voilà, Glaucon, il veut ça, il veut la vie moderne. Voilà. Et donc, dans cette cité-là, qu'est-ce qu'on fait pour vivre à la fois la vie moderne et ne pas sombrer dans la désagrégation, l'injustice, etc. Il faut un certain nombre de contraintes et de limites. Et la manière que Platon a faire comprendre la nécessité de ces contraintes, c'est d'imposer un motif trifonctionnel. Et alors, le motif trifonctionnel, comment il se déploie, et ça j'anticipe sur la fin du livre 2 et puis le reste, ouais. C'est que les gardiens donc seront amenés à circonscrire la force productive de la cité. Donc là on a deux groupes de citoyens, ceux qui gardent, qui empêchent la cité d'être envahie par l'extérieur, mais qui aussi ont un peu un rôle de police. Il faut quand même le dire, hein, voilà. Et puis, il y a ceux qui produisent, ceux qui étaient dans la première cité de Socrate, si j'ose dire, mais tous ceux qui vont produire les biens et les services dont la cité a besoin. Voilà. Il y a donc deux groupes, les gardiens et les producteurs. Et puis, à la fin du livre 4, va apparaître, en 413-414, va apparaître un nouveau groupe parmi les gardiens. C'est ceux qu'à terme, on appellera les philosophes. C'est ceux qui seront amenés à gouverner, mais ça, je n'en dis pas plus. Alors, en tout cas, on aura bien compris. Demain, on va en savoir plus sur ce que sont que les gardiens de la République. On parlera notamment de l'éducation. Hein. Comment est-ce qu'on dispense une éducation qui permette à cette cité de ne pas trop s'enfiévrer? L'éducation pour ses gardiens, justement. Voilà, c'est ça, l'éducation des gardiens. Et jeudi, on se demandera, et c'était un peu présent dans la manière que vous aviez de présenter cette cité idéale, si Platon était communiste. Est-ce que ce que Platon décrit ressemble, enfin, pas, est-ce que oui, ça ressemble au communisme? Est-ce que c'est justifié ou pas de faire cette comparaison? Ça, c'est le programme du reste de la semaine. Merci infiniment, Dimitri. Merci à vous, c'est un plaisir. D'être venu hier et aujourd'hui, donc lire avec nous les deux premiers livres de La République de Platon. On mettra en ligne votre bibliographie, hein. Vous avez beaucoup écrit sur Platon. Je cite notamment « Savoir gouverner », et c'est sur la science politique platonicienne qu'on trouve aux éditions Vrin. Vous avez collaboré à l'ouvrage « Le politique de Platon », toujours chez Vrin. Et vous avez coordonné avec Michel Narcy le nouveau numéro de la revue Philosophie antique « Nouvelle figure de Socrate », toujours aux éditions Vrin. Hear ye, hear ye. The court's in session, the court's in session. Now here come the judge, here come the judge. Here come the judge, here come the judge, here come the judge, here come the judge. Stop beating that bird, cause here come the judge. Don't nobody bird, cause here come the judge. Judge Shorty is presiding the day. And he don't take no stuff from nobody, no kind of way. Hey boy, take off that hat, where do you think you're at? I know where you gon' be, if you don't heed my plea. I'm here to tell you, order in the court now. Can't nobody smoke now. Here come the judge, here come the judge. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver comme tous les jours Frédéric Worms pour sa chronique quotidienne, le pourquoi du comment.